Table ronde, des collectifs aux agences et réciproquement, porosité entre les cadres professionnels. Les métiers de la fabrique des territoires habités, en particulier de l'architecture et du paysage, étaient historiquement structurés par une pratique libérale au sein d'agences. Pourtant, on observe aujourd'hui une diversification des formes d'organisation. En croissance, depuis les années 2000, des collectifs qui rassemblent des professionnels des métiers de l'architecture et de la ville diffusent une volonté de changement des cadres de travail. Cette table ronde met en débat l'évolution et l'hybridation des pratiques professionnelles de 9 structures, agences et collectifs, invités à présenter leurs modalités d'organisation et les raisons qui les y ont menés. Cette table ronde a été réalisée et enregistrée lors du colloque « Devenir des métiers des territoires habités » dans le cadre du projet AZOC, An Architectural School of Commons. Bienvenue à cette dernière table ronde, la plus grande, comme on peut voir, et la dernière du colloque qui clôturera ces deux jours bien intenses. Et merci d'être là. Alors la table ronde s'intitule « Des collectifs aux agences » et réciproquement « Porosité entre les cadres professionnels ». Et l'animation sera assurée par moi. Je m'appelle Simone et je suis étudiant en M2 architecture, urbanisme, études politiques dans l'école ici à Grenoble. Et Sylvère Fribou, enseignant-chercheur en aménagement et urbanisme à l'Université Rennes 2, au sein du laboratoire ESSO et membre du réseau Rambo. Sylvère, jusqu'à l'année dernière, était enseignant-chercheur à l'Institut d'urbanisme et géographie alpine de Grenoble, ici à Grenoble. Alors, nous avons le grand plaisir d'accueillir pour cette table ronde 11 personnes que vous connaissez peut-être ou dont vous avez déjà entendu parler et que nous laisserons se présenter dans quelques minutes. Invité donc qui travaille aujourd'hui au sein des agences d'architecture ou des collectifs, et agences aussi collectives de paysage, mais d'urbanisme, d'architecture, pas uniquement d'architecture, et qui ont toutes et tous des trajectoires assez singulières. Nous y reviendrons. Alors, il nous a semblé qu'on construisait ce programme du colloque qui nous réunit depuis hier matin autour de devenir des métiers de la fabrique des territoires habités. Il nous a paru assez évident de consacrer un temps et de faire une table ronde sur la diversification des formes d'organisation de la fabrique architecturale et paysagère. Une diversification du fait en partie de l'émergence et de la multiplication ces dernières décennies en France, mais aussi à l'étranger, de dits collectifs d'architectes, aux côtés ou tout contre les agences d'architecture, de paysage et d'urbanisme, qui sont supposés représenter l'un des acteurs classiques de la fabrique des territoires habités, aux côtés des grands propriétaires fonciers, collectivités territoriales, services de l'État, aménageurs et investisseurs. Et ça, c'est un petit rappel de l'ouvrage de Atelier Georges de Mathias Rollo. Dans leur introduction de l'hypothèse collaborative qui traite un peu ces questions de collectif-agence. Et ce sont les collectifs assumant et portant l'idée de faire autrement, autre chose, en dehors des cadres normatifs qui participaient à déconstruire et peut-être renouveler. Et comme on a pu voir ces deux jours, la question des pratiques émergentes est bien présente. On fait référence à nos interventions sur la question de la multipositionnalité, la table ronde sur les questions de militantisme en tant que pratique professionnelle, l'étude en cours présentée ce matin par Véronique Béot et Élise Mater sur les métiers de l'architecture et celui d'Hervé Davodo et Élise Gessler sur ceux de paysagisme, et enfin la table ronde rassemblant les étudiants qui se questionnent sur leur devenir en tant que professionnel dans la fabrique des territoires et les formes possibles de leur pratique. Je laisse la parole à Sylvie. Merci. Peut-être du coup pour poursuivre, rappeler que ces collectifs ont fait l'objet d'un certain nombre de réflexions, de travaux depuis une dizaine d'années. On pense aux travaux d'Élise Macaire, on pense évidemment à cet ouvrage d'hypothèse collaborative. On pense aussi aux travaux d'Edith sur lesquels on reviendra très certainement. Et on pense aussi à l'ensemble des rencontres qui ont été réalisées, qui ont été organisées, notamment grâce au collectif ETC, Rencontres Superville. Et on sait que vous êtes nombreuses, nombreux à vous questionner sur ces collectifs, sur leurs identités, sur la manière de les raconter, de les présenter, et sur leur devenir, bien évidemment. Alors, rappeler ça, c'est peut-être se dire que si on organise cette table ronde, c'est un peu humblement imaginer comme un jalon, un temps dans ces réflexions qui n'ont pas attendu cette table ronde pour émerger, pour se structurer, et qui continueront de le faire par la suite. Un temps parmi donc pour réfléchir collectivement sur ces mondes qui évoluent et qui se questionnent. Et donc pour cela, on a fait l'hypothèse bien évidemment que vous réunir à la fois collectif et agence, c'était tout à fait intéressant, mais ce qui nous a semblé aussi intéressant, c'était de vous réunir vous, puisque vous êtes un certain nombre à être passé d'agence en collectif, de collectif en agence ou autre, et à ce titre-là, ça nous semblait intéressant de vous faire dialoguer et débattre. Et puis aussi, il nous semblait que c'était important de créer les conditions de débat professionnel, aussi devant des étudiantes et des étudiants qui, on le sait bien, se posent beaucoup de questions aujourd'hui et pour demain. Alors, du coup, l'enjeu de cette table ronde, vous le savez, c'est certainement de venir révéler un certain nombre de singularités dans ces structures dans lesquelles vous travaillez, mais aussi, et on le sait aussi, peut-être venir révéler à la fois les porosités, les floutages, les passerelles entre ces mondes des collectifs et des agences, et pour finalement certainement déconstruire et reconstruire plus finement à la fois ces catégories et puis ces grands partages. Donc ce qu'on vous propose, c'est d'organiser cette table ronde en 3-4 temps. Un premier temps, on vous laissera vous présenter, bien évidemment, pour vous situer pour le public. Puis ensuite, un autre temps où on reviendra sur les questions de dénomination et de singularité. Un troisième temps où on reviendra sur la question des trajectoires et peut-être sur deux registres. Vos trajectoires individuelles, bien évidemment, mais au croisement aussi des trajectoires institutionnelles dans lesquelles vous êtes inscrits et inscrites, en considérant que ces doubles trajectoires se nourrissent, bien évidemment. Et ensuite, on vous demandera peut-être dans un quatrième temps, si on a le temps, de revenir sur la manière dont vous revenez auprès des étudiantes et des étudiants avec vos expériences, vos positionnements, vos engagements respectifs, pour essayer de comprendre comment et quel message vous faites passer auprès de ce public-là, mais aussi comment ce public-là vous renvoie, peut-être aussi à vos contradictions, vous renvoie à vos engagements, à la manière dont vous posez des questions, à la manière dont vous les accompagnez, et donc comment aussi, d'une certaine manière, étudiantes et étudiants participent de structurer vos réflexions. Voilà. On essaiera de travailler sur tous ces points, on verra si ça marche ou pas. Ouais. On vous propose déjà dans un premier temps, donc, à la fois de vous présenter, et ce qu'on aimerait aussi savoir, c'est pourquoi vous avez décidé d'être là et pourquoi vous avez accepté de participer à cette table ronde. Voilà. Merci. Bonjour à tous, Sébastien Fabiani, architecte dans l'agence NA Architecture et maître de conférences associé à l'école d'architecture de Grenoble. Pourquoi je suis venu là? Parce que déjà Théa m'aurait pu parler si j'avais dit non. Non. Surtout parce qu'il y a un historique de collectif qui a fait que ma architecture est née à un moment. Parce que c'est rare qu'on a des occasions de discuter aussi tous ensemble de choses communes, enfin en tout cas d'un même monde, d'un même milieu et peut-être d'une même approche ou d'un même héritage en tout cas, on va dire. Une longue filiation à ce qu'on voit aujourd'hui dans les collectifs et les agences qui ont des pratiques émergentes. Donc, je pense qu'on partage tous ce terreau, donc c'est important que ça vraiment pour en parler. Et puis peut-être dernier point, c'est de démystifier justement tout un tas de choses sur les agences, sur les collectifs, comme si c'était deux mondes complètement opposés, alors qu'on se rend compte qu'on voit souvent ça. Voilà. Merci. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Donc Edith Aloer, moi je suis ni architecte je travaille pas en collectif ni en agence. Je suis chercheuse éditrice indépendante et je travaille. J'ai été invitée là parce que je travaille sur et avec des pratiques collectives depuis une dizaine d'années. Et ce qui m'intéresse au fond, c'est la question. C'est la question d'expérimentation dans les pratiques et il se trouve que c'est comme ça que je suis arrivée à observer le travail de certains collectifs. J'ai fait une thèse il y a quelques années sur la déprise d'œuvre et voilà, c'était dans ce cadre principalement que se sont sédimenter pas mal d'observations sur ces pratiques. Et puis je travaille en ce moment pour la preuve par 7, qui est une démarche d'accompagnement, à, encore une fois, à l'expérimentation dans des pratiques en architecture, urbanisme. Et moi, je viens principalement du monde, initialement du monde du design, donc j'ai une vision assez transversale de ces pratiques. Et pour la preuve par 7, sans faire trop long, je travaille sur le volet documentaire. Donc on a lancé un site il y a quelques mois qui s'appelle l'École du terrain, sur lequel on a un gros volet de diffusion, transmission ce qu'on appelle la boîte noire, mais en tout cas les manières de faire, les pratiques, les outils de démarche d'expérimentation en urbanisme. Et je suis aussi enseignante, juste après j'arrête, je suis aussi enseignante dans une école qui s'appelle l'ENSI, les ateliers, qui est une école de design à Paris. Et c'est aussi, je parle de ça parce que voilà, il y a beaucoup de questions qui ont été posées et qu'on va continuer aussi d'échanger là aujourd'hui et hier, moi dans ma posture d'enseignante me parle beaucoup et on en reparlera. Mais il y a beaucoup de choses communes avec les étudiants en design aujourd'hui, avec la grosse différence de la différenciation du métier de designer qui est beaucoup plus, un peu comme les urbanistes, qui est beaucoup plus libéré, je pense, de certaines choses que les architectes. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on va peut-être reparler. Voilà. Bonjour, donc moi je suis Karine Bonneau, je suis architecte associée de l'agence Sido Architecte et j'enseigne dans cette école depuis une dizaine d'années. Et j'ai accepté de participer parce que vous avez un programme d'une grande qualité et puis parce que cette année les écoles d'archi ont quand même été marquées par des mobilisations qui ont beaucoup parlé finalement des inquiétudes par rapport au futur, on en a aussi parlé ce matin. Par rapport aux visions des métiers. Et moi, je voulais plutôt témoigner, un peu comme ce que Sébastien disait, qu'il y a vraiment une continuité assez intéressante entre des pratiques alternatives et des pratiques de maîtrise d'œuvre, et que je ne vois pas du tout d'opposition, mais au contraire, des liens constants et des complémentarités. Donc moi, je voulais un peu aussi rassurer par rapport à la maîtrise d'œuvre, qui n'est pas du tout un monde à part. Voilà. Donc bonjour à tous et à toutes, moi je suis Adélaïde Boël, fondatrice d'Architecture In Vivo, je suis architecte diplômée d'État de l'école d'archi de Grenoble, c'est une des raisons pourquoi je suis là, je rentre à la maison de temps en temps, et je suis aussi enseignante à l'école d'archi de Toulouse, et je fais aussi un doctorat sur la place des enfants dans l'espace public. Et je suis venue aussi parce que ça fait 10 ans que j'ai créé Architecture In Vivo et que c'est toujours une structure floue, hybride, voilà, on peut utiliser les termes qu'on veut, mais en tout cas la question collectif-agence, elle est posée depuis 10 ans et je pense qu'il faut qu'on la dépasse aussi, et je trouve ça intéressant qu'on soit tous réunis, tous et toutes, pour peut-être la dépasser et voilà. Voilà. Bonjour, bonsoir à tous, à toutes. Donc moi, je suis Quentin Chansavant, je suis ancien étudiant de cette école aussi, donc diplômé en 2009, où j'ai une formation, comme ça a pu être dit pendant ces deux jours, très axée sur l'expérimentation et notamment les cultures constructives. Et donc j'ai aussi continué avec le DSA architecture de terre. Après quoi, j'ai eu une expérience en maîtrise d'œuvre pendant mes études, ce qui m'a permis de ne plus en faire après, par expérience. Et donc d'avoir une activité plutôt orientée autour de la communication pédagogique ou pas, et en même temps d'enseigner dès la sortie du diplôme, côté des enseignants en première année notamment. Et donc c'est par ce sujet de la communication que je suis arrivé à Bellastock en 2017, donc Bellastock collectif, mais qui souhaite pas forcément s'appeler collectif, qui lui s'est créé en 2006, et qui portait aussi donc, cette question de l'apprentissage par le faire, puisque c'est une structure qui s'est créée par un festival d'architecture à l'expérimentation. Et donc depuis, j'ai enseigné jusqu'à l'année dernière à Grenoble, et depuis cette année, j'étais titularisé comme maître de conférence à l'école de Clermont-Ferrand. Et donc, si je suis là aujourd'hui, bon, c'est pour un peu un regroupement de toutes les raisons qui ont déjà été dites. Donc déjà, revenir à la maison, c'est toujours sympa, parce que le programme est super, parce que j'avais assisté au premier colloque aussi, qui m'avait beaucoup interpellé sur la grande diversité d'enseignement qui existait, et vraiment qui sont invisibles. Et donc c'était la première fois que je trouvais que ça rendait cette diversité visible. Et donc ça répondait en effet aussi à toutes les questions qu'on pouvait te poser pendant le mouvement S108, qui n'est pas fini, il faut le rappeler aussi. Voilà, et puis après le fait de passer titulaire, c'est vrai que d'un coup on se pose beaucoup plus de questions, plus en profondeur, sur la vie des étudiants, des étudiantes. Et ce qui est vraiment particulièrement appréciable dans l'organisation de ce colloque et puis tout ce qui est organisé dans le cadre de ce projet, c'est cette parole qui est donnée aux étudiants, aux étudiantes. C'est très rare et en fait on se rend compte à quel point c'est hyper intéressant, voire plus intéressant, même si je remercie tous les intervenants de ce qu'ils ont dit, mais c'est tellement rare et tellement riche que voilà, je t'en suis. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Pauline Broc-Lacon, je fais partie avec Camille, que je laisserai se présenter, de l'atelier Bivouac. Donc l'atelier Bivouac est un collectif de 8 paysagistes, tous issus de l'école de paysage de Versailles, de promos différentes mais tous de la même école. Et donc cette asso, elle s'est créée en 2013 et issue d'un groupe d'amis de promo avec l'envie de prolonger les ateliers de projet de l'école en se structurant et en travaillant de manière horizontale, et avec l'idée de bien vivre, de bien travailler et du coup de choisir de s'installer en milieu rural et de choisir l'endroit où on souhaite vivre. Donc il y a 2 antennes. Il y a une antenne en Bretagne, parce que tout le monde n'avait pas envie d'y habiter, et une antenne en Ardèche. Voilà. Du coup, on traite des sujets très différents, et ça, c'est des belles pistes d'aération aussi de changer de territoire un peu comme ça. Travailler en milieu rural, c'est un choix, une conviction, mais c'est aussi se mettre en difficulté vis-à-vis de notre pratique, et puisqu'on est très peu représenté. Et du coup, il a fallu un peu se poser la question de comment on génère une commande et quels sont nos cadres de travail. Donc aujourd'hui, on travaille en partenariat avec des structures locales et des collectivités principalement. Et on essaie de se positionner en tant que partenaire et pas prestataire. On essaie de défendre un peu la position de collaboration, voilà, avec les élus avec qui on travaille, avec les assos, enfin voilà. Oui, on a une démarche de résidence, donc on parle beaucoup d'immersion, de pratique de terrain, enfin on va répéter un peu ça. Du coup, Camille de l'atelier Bivouac, moi je parlerai plus de pourquoi est-ce qu'on a décidé de venir aujourd'hui répondre à l'invitation. Je pense que c'est parce que le collectif, ça fait 10 ans cette année qu'il existe. Et on s'est aperçu qu'on avait peu de moments comme ça où on prenait le temps de venir dans des écoles. En fait, il se trouve que on fait beaucoup de... Enfin, de parler l'éloignement géographique, je pense, de pas mal d'écoles. Le fait qu'on soit dans des territoires où on est beaucoup, beaucoup sollicité par des élus, des PNR, des CAE, où on passe pas mal de temps à faire à la fois de la formation, de la sensibilisation, de la réflexion sur comment faire autrement aujourd'hui, comment aussi aider à développer des cadres de commandes différentes et qui répondent aussi à des attentes de communes où, enfin nous, les échelles de où on travaille, c'est des communes, là j'ai listé vite fait avant de venir, on est sur des communes entre 300 et 1500 maximum habitants. Donc c'est, voilà, c'est pas du tout les mêmes temporalités, je pense, d'action, tout ça. Et ce qui, moi, particulièrement, je pense, m'intéresse là, sur cette table ronde, c'est la question de la complémentarité avec la maîtrise d'œuvre. Enfin, c'est quelque chose, ça fait quand même 10 ans qu'on collabore avec des maîtres d'œuvre. On répond dans les équipes avec des maîtrises d'œuvre. Donc il y a des échecs parfois, des très belles réussites. Et voilà, c'est quelque chose qui, pour nous, apporte plein de solutions, en tout cas en milieu rural, sur la... à la fois la temporalité d'action sur le terrain et d'économie de moyens, de moyens de mise en œuvre, etc. Bonjour, moi c'est Marie Guiraud, je suis paysagiste au sein du collectif Pourquoi Pas. Nous on est basé à Lyon, on est initialement un collectif d'architectes, aussi issu d'un groupe de potes promo. Maintenant, on a un collectif pluridisciplinaire. Et on fait principalement, pour faire très court, des projets participatifs dans les espaces publics ou espaces communs, donc avec des démarches ouvertes, avec des outils de co-conception et de co-construction. Bonjour, je suis Lucie Bulot, je suis architecte non inscrite à l'ordre, si on peut dire ça comme ça. Membre du collectif, pourquoi pas, depuis 2 ans. Peut-être qu'une particularité là, du collectif, c'est qu'il existe depuis 2014. Et aujourd'hui, dans l'équipe donc, permanente, nous sommes 5 salariés donc, de l'association. Et une seule personne est issue en fait, du groupe initial qui a fondé le collectif. Donc en fait, l'équipe a complètement été renouvelée en l'espace de 2-3 ans. Et avec ce renouvellement, sans doute, bah, peut-être une remise en question du projet, du collectif qui, initialement, donc, est né de... d'un groupe d'étudiants de l'école d'architecture de Lyon qui s'était intéressé au territoire vraiment situé à proximité directe de l'école et qui en avait fait voilà, leur outil d'étude. Et le collectif s'est construit autour de ce sujet d'étude, donc à Vaux-en-Velin, autour d'un projet de restructuration urbaine. Aujourd'hui, les projets du collectif ont largement évolué en termes de territoire et de type de commande. Et on a déménagé aussi, c'est-à-dire qu'on a quitté ce territoire qui était le territoire de naissance du collectif. Et avec ce déménagement, bah, plein de questions autour de justement la légitimité du collectif sur un nouveau territoire. Est-ce qu'on est obligé de faire des projets là où on est exactement? Quel lien on entretient avec... les gens avec qui on fait du projet, là où l'objectif de base du collectif était de travailler avec les personnes qu'ils côtoyaient au quotidien sur place. Et ce qui nous amène donc aujourd'hui ici, c'est que justement ces restructurations nous ont amenés à nous poser pas mal de questions autour de notre pratique et du cadre de notre exercice. On a souvent été, en fait, ces derniers temps, sollicité pour faire de la maîtrise d'œuvre dans des projets qui, selon nous, cochent un peu nos critères de sélection de projet, c'est-à-dire avec des vocations sociales, un intérêt pour voilà, une démarche écologique. Mais étant donné le cadre qui est le nôtre, donc une association, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... On ne peut pas s'emparer de ce type de projet et on se pose aujourd'hui la question de est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on se dit bah, finalement les méthodes qu'on a mises en place dans le collectif, elles sont compatibles avec un exercice plus classique en maîtrise d'œuvre, avec voilà, tout ce que ça comporte, ou alors finalement bah, c'est pas notre place et qu'on a encore des choses à faire dans... une pratique un peu plus décalée en fait, de nos métiers qui sont encore une fois architectes, paysagistes, designers et autres. Voilà, donc ça nous intéressait d'échanger aujourd'hui avec tout le monde sur justement des passerelles, des liens qui ont été faits, le positif, le négatif de ces changements. Et, Bonjour à tous, moi c'est Louise Renaud, je suis architecte à Grenoble. Je suis ici aujourd'hui parce que je viens de passer d'un collectif à une activité d'architecte, je ne vais pas dire agence, je vous dirai pourquoi après. Le collectif en question c'est En dehors des clous. C'est un collectif qu'on a monté pour surtout éviter d'aller en agence après l'école. En fait on était un petit groupe entre 10 et 15, on a tous eu notre part de désillusions après le diplôme, en allant travailler en agence, dans différentes villes, dans différentes structures. Donc c'était le contre-pied. On a été hébergés dans un premier temps aux grands ateliers de l'île d'Abeau. Donc on a tout de suite été dans une démarche assez expérimentale avec Amaco à nos côtés, les compagnons du devoir et puis bah, tous les étudiants qui brassaient dans la structure. Un groupe de 10-15, vous imaginez, qui s'appelle En dehors des clous, ça fait des caractères bien, bien trempés. Et pour monter une structure viable dans ces conditions, c'était compliqué. On a imaginé un modèle économique dont on voulait vivre, mais on n'avait pas tous le même rapport à la création d'entreprises. Souvent, il y a des gros mots qui sont dits là-dedans. Et donc, c'était un modèle où on avait une association qui faisait rayonner un groupe d'indépendants. On voulait que ce groupe d'indépendants soit assez pluridisciplinaire, mais en réalité, on était surtout des architectes. Et donc, on a fait pas mal de projets sur du mobilier, sur de la faisabilité, sur du chantier participatif. Et puis, voyant qu'on n'arriverait pas à rendre cette structure viable à autant, on a été deux à sortir du collectif. Et on a monté une structure qui s'appelle LO. On a le studio LO Architecture et l'atelier LO Design et Matières. Donc c'est une activité d'architecture accolée à un atelier de menuiserie. On travaille dans une pépinière d'entreprise qui est subventionnée par la métropole et qui accueille une quarantaine d'entreprises, dont, pour ceux qui connaissent, Cavestan, qui est un réseau d'artisans. Et c'est une manière de partager des locaux sans travailler réellement ensemble. Donc c'est une structure en tout cas qui nous apporte beaucoup sur l'échange et aussi qui nous apporte du travail et des rencontres. Et notre idée de cette société LO, c'est de pouvoir continuer l'idée qu'on avait de la pluridisciplinarité et de ne pas avoir une activité d'architecture en soi, mais une activité sur... la construction, la rénovation dans une vraie dynamique écologique et durable, en ayant plusieurs activités. Et pour la petite anecdote, pour me situer par rapport à vous tous, parce que moi j'étais diplômée en 2019, c'est que ce collectif En dehors des clous, la première fois où on a eu l'idée de le monter, c'est en 2019, à la suite d'une conférence qui avait été donnée à Grenoble avec Patrick Bouchain et Comuna, qui était là hier. Et quand on s'est vraiment lancé pour le faire, c'est la même année qui a suivi, ou un petit peu avant, on est parti faire le festival Bellastock sur la paille, et on est revenu de là et on a monté En dehors des clous. Voilà. Merci, bonjour. Donc moi je m'appelle Maxence Beaune, je suis diplômé de l'école d'architecture de l'INSA Strasbourg en 2009 et je suis un des membres cofondateurs du collectif ETC. Donc voilà, je suis super content d'être là. Je suis là pour deux raisons, parce que un, le collectif ETC est donc à l'initiative et coordonne donc le projet de recherche action à SOC dont ce colloque fait partie. Et je suis là aussi parce qu'en fait, depuis le début de ce projet, en interne, dans ETC, on se pose beaucoup de questions et on a commencé un gros travail d'autocritique sur notre pratique en tant qu'architecte et en tant que collectif d'architectes. Et du coup, on a fait ça parce qu'on a besoin de continuer dans une pratique heureuse, d'avoir de l'espoir, d'être content, tout ça. Donc, pour faire ça, il faut... selon nous, continuer de se poser des questions. Donc c'est ce qu'on essaie de faire pour pouvoir évoluer dans la meilleure direction possible. Et donc, moi je suis là ce soir, je suis super heureux et content de voir ce panel et les programmes des deux jours, et j'espère que ça va nous aider aussi à nous sur ce travail d'introspection et d'autocritique pour pouvoir mener à bien cette recherche. Voilà. Merci.